Si vous me demandez où est-ce que c'est l'éther, je vous dirai que l'éther est en dessous de la tombe. Il est à l'intérieur de la tombe, l'éther. En vivant l'aspiration dans la tombe de ses corps subtils, de son corps matériel, de l'énergie cosmique. Un processus de succion. Au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau vital. C'est comme ça que l'homme entrera dans l'éther. Tout ce qui vous est dit auparavant au niveau de l'éther faisait partie des données astrales. Comprenez-vous ça, vous? C'est important pour vous de comprendre. Tout ce qui a été dit à l'homme, sortir de son corps, papa, tu sors pas de ton corps quand tu vas en éther. Et un homme qui se fait dire qu'il est obligé de sortir de son corps pour entrer dans l'éther, c'est un homme qui automatiquement est attiré vers des sphères. Mais des sphères tellement belles qu'il est pogné dedans. Je vais vous dire d'autres choses. L'éther, c'est l'antimatière. Si ça intéresse. C'est pour ça que, quand je dis que l'homme ne doit plus se servir, c'est pour ça que c'est dangereux, livre. Quand je parle de livre, il y a livre, puis livre. Tu peux lire, puis regarder un livre, parler avec quelqu'un, puis voir ce qu'il dit, puis voir, pouvoir critiquer ce qu'il dit, même si c'est un livre extraordinaire. Mais la raison pour laquelle j'aime pas que les gens lisent, c'est pas parce que j'aime pas que les gens lisent, j'aime ça que les gens lisent. Mais la raison pour laquelle j'aime pas que les gens lisent, c'est parce que les gens ne savent pas lire. Parce que quand les gens lisent, surtout s'ils lisent des livres qui sont traditionnellement à l'apogée des choses, ou à la limite de la pensée humaine ou de l'expérience humaine, ils se font prendre automatiquement dans le jeu de l'esprit. C'est pour ça que sur la Terre aujourd'hui, il n'y a pas de livre. S'il y avait un livre sur la Terre aujourd'hui, qui puisse donner à l'homme la vibration, il n'y aura pas d'initié sur la Terre aujourd'hui pour parler à l'homme. Pourquoi est-ce qu'il y a des initiés? Parce qu'il n'y a pas de livre. Alors, les livres ont servi dans tous les temps, jusqu'à la fin du 20e siècle, à faire évoluer l'homme, mais à l'intérieur des codes des lois du mensonge cosmique. Tous les livres. Il n'y a pas un livre sur la Terre, même pas la cosmogonie d'Urantia, qui est un livre qui peut amener l'homme à l'éther. OK. Autrement dit, j'affirme aujourd'hui qu'il n'y a rien, qui vient avant ma parole. Qui peut faire passer l'homme du plan atomique au plan anti-atomique qui est l'antimatière. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a rien dans la mémoire de l'homme qui vient de l'énergie. Mais beaucoup vient de la lumière. Beaucoup vient de la lumière. Et un jour, l'homme aura compris qu'il doit se méfier de la lumière. L'homme doit se méfier de la lumière parce que la lumière, c'est la limite universelle de la loi du mensonge cosmique. C'est la limite. C'est le but. C'est la fin de la loi du mensonge cosmique, la lumière. C'est pour ça que la venue du Nazaréen était si importante. Parce que quand le Nazaréen est venu, il s'est produit deux choses dans l'univers. Une des choses qui s'est produite, c'est qu'il y a eu un déplacement dans notre galaxie d'une autre galaxie qui est antimatérielle. Alors le Nazaréen, quand il est venu, il y a eu un mouvement de galaxie dans l'antimatière qui est venu se superimposer à la nôtre. Et elle est là aujourd'hui. Et cette galaxie-là, elle est prête à absorber un certain nombre d'hommes dans cette galaxie-là pour les faire passer de ce plan-là à ce plan-là. De sorte que l'homme qui entrera dans l'éther, il entrera dans l'intelligence de l'autre galaxie, qui est anti-matérielle. Mais l'autre galaxie est tellement proche de la nôtre. Tu peux en faire de distance. C'est simplement une affaire de rayonnement. Alors, si vous prenez un atome, dans le centre même de cet atome-là est l'autre galaxie. Alors, tout est en ordre. Il n'y a aucun champ branlement. Tout fonctionne dans notre galaxie. Mais l'autre galaxie, elle est là. Et si vous regardez, vous, dans votre écran mental, là, si vous regardez mon corps, si vous regardez bien profond dans mon corps, vous allez voir que vous passez d'un plan à un autre plan. Et c'est là qu'on s'en va. Et la condition sine qua non pour le passage de la matière à l'antimatière, du passage d'une galaxie à une autre galaxie, du passage d'un niveau atomique à un niveau interne, c'est l'habilité de l'homme de détruire l'inertie de l'intelligence. Alors, de sorte que dans votre vie de tous les jours, dans votre vie où l'expérience vous sert à vous confronter avec l'énergie, si vous bloquez au niveau de l'inertie de l'intelligence, vous ne pouvez pas créer en vous ce processus de succion qui vous prédispose éventuellement à passer d'un plan à un autre. La conscientisation de l'homme, la vie réelle de l'homme, le développement de la conscience atomique de l'homme, ça ne se comprend pas par le langage de la communication. Ça se comprend, ça se vit simplement par l'expérience de l'énergisation des corps au fur et à mesure que l'homme avance dans ses égards. C'est pour ça que vos expériences de tous les jours dans votre vie avec vos maris, vos chums, vos blondes au bureau, patati patata, toute la merde que vous vivez à tous les jours dans votre vie matérielle, dans votre vie civile, est extrêmement importante parce que c'est cette condition qui vous amène avec le temps à vaincre l'inertie de l'intelligence. Alors, quelle que soit votre vie, quel que soit le pattern, le motif de votre vie, c'est sans aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous en arriviez un jour à être capable de dépasser l'inertie de l'intelligence pour faire ce que vous voulez dans la vie. Et à ce moment-là, vous ne serez plus dans un terrain d'attente. Vous ne serez plus en attente. Vous ferez ce que vous voudrez, vous balancerez constamment vos vibrations. Si vous allez en voyage, vous allez en voyage. Si vous restez chez vous, restez chez vous. Si vous allez écrire, vous allez écrire. Si vous allez rien faire, vous ne faites rien. Vous serez toujours en harmonie vibratoire avec vos corps. Et lorsque le temps viendra pour le passage d'un plan à un autre, ça se fera sans aucune difficulté et sans aucun traumatisme psychologique parce que vous ne vivrez plus au niveau d'une psychologie quelconque. Mais là, on commence à être rendu, après un an, après deux ans, on commence à être rendu à un point où on doit être capable de comprendre concrètement l'abstrait de l'intelligence. On doit être capable de comprendre l'aspect concret du phénomène de l'intelligence, parce que le phénomène de l'intelligence, c'est simplement un phénomène d'énergie. Alors, si on explique le phénomène de l'intelligence en relation avec le phénomène de l'énergie, à ce moment-là, on peut commencer à comprendre les différentes avenues qui nous sont ouvertes dans nos expériences personnelles et qui nous permettent d'enregistrer de plus en plus de cette énergie dans nos principes qui crée notre éventuel dédoublement. Bien, un dédoublement qui n'est pas été expliqué encore par l'homme et qui n'est pas connu de l'homme, même pas par les sociétés ésotériques. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui connaissent l'ésotérisme, n'importe quel ésotérisme, vous avez un exemple? Parlez-moi, donnez-moi les plans de l'ésotérisme. Comment est-ce qu'ils divisent les mondes, ainsi de suite? On prend différentes écoles, là. Les Rosquois ou... qui c'est que... Comme des fois, je parle du plan éthérique, le plan astral, le plan mental, je mélange ça, tout ça, là. Allez-y. Bon, allez-y. OK, qu'est-ce que c'est pour eux autres le plan bouddhique? La fusion avec l'énergie universelle, plan bouddhique. Plan atmique. L'atmique. OK, je vais vous en montrer une erreur grossière. Le plan atmique, c'est le plan de l'âme. OK? Atma, ça veut dire âme. Dans le langage hindou, en tout cas. Le summum. Ça a-tu du bon sens, ça? On va prendre ces lignes de démarcation-là. Aussitôt que l'âme a besoin d'aide, elle est obligée de vivre une certaine période de quiétude qui peut durer très, très longtemps. Et dans cette période de quiétude-là, il lui est donné de rencontrer ce qu'on appelle des guides. Mais ce que l'âme ne sait pas, c'est que les guides qu'elle rencontre sont des guides qui font partie de quoi? Tant que l'âme n'est pas détruite, tant que l'âme n'a pas vécu l'implosion, une âme, ça doit fonctionner on its own. Ça fonctionne, une âme, ça fonctionne par elle-même seulement quand elle a vécu l'implosion, autrement dit, quand elle n'a plus de mémoire, quand elle est vidée de sa mémoire. À ce moment-là, elle n'a plus besoin de guide parce que à ce moment-là, elle ne peut plus reconnaître personne. Ça, c'est sa sécurité. Quand l'âme ne peut plus reconnaître aucune entité, ça veut dire qu'elle ne peut plus reconnaître aucune forme. Là, elle est libre. Mais libre, ça veut dire deux choses à ce moment-là. Ça veut dire que cette âme-là, elle est libre de... Elle est libre de revenir sur un plan inférieur, où elle est libre de retenir son souffle. Revenir sur un plan inférieur, ça lui donne la possibilité d'exercer sur ce plan-là une force. Si elle retient son souffle et qu'elle ne revient pas sur un plan inférieur, ça veut dire qu'elle est capable de quoi? Il y a quelque chose là. Continue. C'est comme si elle paradis de notre être vit-elle sous le plan intérieur qui fait le job. Ah. Elle est esclave. Elle devient esclave. Explique-nous ça, Tigui. C'est parce qu'il y a mal à l'oreille. L'homme qui retient son souffle, il retient son souffle parce que il respire du souffle de l'âme qui est incarnée sur la terre intérieure. Et il devient le guide de cette âme-là qui est sur la terre intérieure. Et il ne s'incarne pas par lui-même, il devient son guide. Et c'est comme s'il maintient la polarité entre la mort et la vie. Mais il y a un lien qui est toujours là, entre les deux. Ça fait que c'est comme si le guide ou le maître est parasite de son esclave qui lui fait job sur le plan matériel. C'est pas réellement une symbiose. Non. C'est du parasitisme. Oui. Comprends-tu? Puis là, c'est là que je parle de la destruction de l'inertie de l'intelligence. Quand tu détruis l'inertie de l'intelligence, c'est comme si tu brises le lien entre toi qui est titre et cette âme-là. Puis c'est tellement fort, ça. C'est pour ça que nous autres, les hommes, sur le plan matériel, on a toujours la chienne de faire des mouvements. On a toujours peur. De donner à la claque. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette vibration-là. Mais il vient un point qu'on donne la claque. Éventuellement, on devient tellement bon à briser l'inertie que le lien entre cette âme-là et nous autres, ici, là, il est rompu. Elle n'a plus de force, cette âme-là. Quand tu as dit trahir la femme, c'est ça que ça veut dire. C'est trahir son maître qui, effectivement, nous a beaucoup aidés. OK, laisse-moi arrêter ici. Tous les hommes doivent trahir leur maître qui les a aidés. C'est ça que je veux dire. Tous les hommes. Il y a des choses que je suis obligé de faire passer par vous autres pour vous faire réaliser par ma confirmation ce que je veux dire quand je dis qu'il y a de l'intelligence dans tous les hommes. Mais si l'homme dit par lui-même, tant qu'il n'est pas suffisamment avancé dans la destruction de l'inertie d'intelligence, qu'il faut trahir son maître, là, il vibre, ben, il vient tout crush. Là. On vient crush, parce que trahir notre maître, c'est pas beau, c'est pas fin. T'sais. Et tous les hommes doivent trahir leur maître. C'est la différence entre toi et l'autre. Exactement. Toi, là. Oui. Je trouve que c'est... Oui. Toi, t'es un instructeur. Là. Oui. Oui. Tu n'es plus comme enfant, mais je ne sais pas. Oui, exactement. Et eux autres, ils font de l'enseignement, c'est eux autres qui sont utilisés. Puis l'enseignement, c'est un standard ou une convention à respecter. Puis quand tu viens de trahir ce maître-là, ils te font filer coupable. La culpabilité, elle ne vient jamais. C'est comme si tu es coupable vis-à-vis de ta mère qui t'a donné la vie. Qui t'a têté, c'est ça. Qui t'a allaité, pas têté, mais allaité. Exactement. Exactement. Ben, t'es pareil. Tes énergies. Exactement. Maintenant, c'est ça que tu as déjà parlé, le gardien du seuil. Ouais. Le gardien du seuil. C'est ça. Le passé du gardien du seuil. Ça, là, l'enveloppe. En tout cas, je vais parler par symbole, mais quand toi, tu perds. Tu sais, quand on parle d'une mère, l'enfant fœtus, le bébé fœtus, il est dans un placenta. Ben, le placenta, c'est celui-ci. Puis eux autres, ils maintiennent le périphérique, parce que c'est comme ça qu'ils vont faire comme les gens. Puis si tu détruis le lien avec eux autres, tu détruis ton périphérique, puis tu détruis l'université intelligente. Exactement. Puis pour le faire, pour le détruire, le périsprit, faut que tu détruises l'inertie d'intelligence. À ce moment-là, t'es dans l'intelligence pure. Puis on a plus peur que toi, qu'une genre d'insécurité, quand on est ici ensemble, là, quand on est dans un certain groupe ensemble, l'énergie circule, ils ne peuvent pas avoir le dessus. Par exemple, à soi, moi, ça serait facile de jouer avec mon compte de banque, c'est facile. Mais dès que je suis seule, c'est lui qui pogne la frousse, parce que, c'est là. On a toujours besoin de plus petit que soi, avec ça, vraiment que ça vient les autres. Ils ont toujours besoin du plus petit qu'ils ont, supposément, pour eux autres. Parce que si on coupe le lien avec eux autres n'ont plus de job, puis là, ils sont obligés de s'incarner. Exactement! Ils sont obligés de s'incarner! Exactement! Exactement! Ça, c'est fantastique! C'est exactement ça, ils sont obligés de s'incarner. Tu sais, quand je dis que le monde des esprits, un jour, il doit revenir à la matière. Parce qu'eux autres sont gros durs en haut. Parce qu'en haut, il fait beau en maudit. Tu sais, nous autres, on parle d'être riches sur la terre, mais tu devrais avoir des richesses là-dedans, en haut. Fait qu'eux autres sont gros durs. Puis si nous autres, on coupe le lien avec eux autres, ils sont obligés de s'incarner. Puis l'ésotérisme, toute la patente, ça revient à ça. L'ésotérisme est fait par eux autres. L'occultisme est fait par eux autres pour maintenir leur capacité de rester là. Tandis que s'ils coupent le lien, ils sont obligés de descendre en matière. Exactement ça. Ça, c'est la... Ça, là, c'est la pierre fondamentale qui détruira l'ésotérisme et l'occultisme dans le monde. C'est ça. Ils se servent de tout. Tout. Tout. Tout. Exactement. Exactement. Exactement. Oui. C'est un gouvernement. Ils contrôlent tous les églises. C'est le gouvernement invisible, là. C'est vrai que ce que c'est le gouvernement invisible, c'est ça. C'est eux autres qui runnent le show. Ils font beau temps, puis mauvais temps. Puis nous autres, c'est, on récolte la pluie. Très. Très. Très. Moi, je vous ai déjà dit que quand j'ai été fusionné, j'ai souffert pendant un certain temps de l'énergie d'intelligence. Parce que chaque fois que je parle au monde, on dirait que je t'accompte tout, puis je t'accompte tout, puis je t'accompte tout, puis je t'accompte tout. Puis fait que ça devenait fatigant d'être contre tout. T'sais, de temps en temps, t'aimes bien pour quelque chose. C'était bien pénible pour moi, puis ça m'a pris des années avant de m'habituer à être capable d'être contre tout tout le temps. Là, je suis contre tout tout le temps. Ça me dérange plus. Mais au début, j'étais épuisé, j'étais fatigué de l'intelligence. Fait qu'aujourd'hui, ça marche. Mais ça a été bien dur pour ajuster mes corps à ça, puis être capable d'assumer constamment cette position vis-à-vis toute l'ordre établi du gouvernement invisible. Puis je vais aller plus loin en fait du gouvernement invisible. Le gouvernement invisible, il y aura un gouvernement invisible sur la Terre. Mais le gouvernement invisible sur la Terre, il sera créé par des hommes. Le gouvernement invisible sera créé par des hommes qui auront coupé avec eux autres. À chaque fois que tu as nommé ce nom-là, parce que je te dis comme ça parce que c'est comme ça. Il y a une espèce de résonance dans l'astral qui fait comme un égrégore au-dessus de ces personnes-là pour empêcher que ces personnes-là prennent la parole. Il y a d'autres personnes ici qui ont la parole, je ne sais pas qui, mais c'est l'homme qui connaît. Et ça, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il faut prendre beaucoup de discernement là-dedans parce que eux autres, ils voient des rivaux dans les personnes qui sont ici sur la terre et qui, en même temps que toi, et à l'occasion de toi, et à la suite de toi, vont prendre la parole. Et si les gens sont intelligents, se mettent en vibration avec ces personnes-là qui vont prendre la parole, c'est ça le commencement du gouvernement visible. Parce que pour être capable d'écouter quelqu'un qui connaît rien, qui parle, qui a pas de mémoire, en tout cas, qui a de moins en moins de mémoire, qui parle, eux autres, là-bas, ils font chercher un mot de vie des corps astraux du monde ici qui s'en vont vers la conscience. Exactement. Très juste. Puis une des raisons pour laquelle, je nomme des gens, d'ailleurs je vais en nommer tant que je vais pouvoir en nommer, c'est pour préserver sur le plan matériel l'intelligence. Quand je nomme des gens, c'est pour préserver sur le plan matériel l'intelligence. Autrement dit, les gens sauront toujours que il y a de l'intelligence là, il y a de l'intelligence là, il y a de l'intelligence là, il y a de l'intelligence là, puis il y a de l'intelligence là, puis il y a de l'intelligence là. C'est comme si je crée une fondation humaine, une banque d'intelligence. Que les gens ne soient pas prêts à l'accepter, ça c'est leurs affaires. Ça c'est totalement au niveau des personnalités. Mais je vais d'après moi. Alors, si moi je sais qu'il y a de l'intelligence dans une personne, il y a de l'intelligence dans une autre personne, il y a de l'intelligence dans une personne, il y a de l'intelligence dans une personne, moi je sais que dans 10 ans, les gens sauront qu'il y a de l'intelligence dans cette personne-là, et ainsi de suite. De sorte que l'intelligence ne soit pas perdue. C'est pour ça que je l'ai. C'est pour que l'intelligence ne soit pas perdue. Et il y aura des mécanismes d'instaurer dans l'avenir où les gens qui seront dans l'intelligence seront connus du monde matériel humain. Tous les gens qui seront dans l'intelligence et qui pourront canaliser cette intelligence-là suffisamment seront connus pour que l'intelligence ne disparaisse jamais du plan matériel. Que les gens n'arrivent jamais à dire un jour, mais comment se fait, lui, il n'est plus là, Bernard de Montréal, qui sait qu'il n'y a plus rien là. Les gens sauront toujours que lui, que lui, que lui, que lui, que lui, que lui. C'est pour ça que je le fais. C'est plus tard que je le fais. Parce que on a vécu sous la domination du gouvernement invisible pendant des millénaires. Et à partir du stage où je commence mon travail, on ne vit plus sous la domination du gouvernement invisible. Là. On devient nous-mêmes, éventuellement, le gouvernement invisible. Fait que c'est évident que ça va créer dans les plans énormément de feedback, puis qu'il y a des gens sur le plan astral, par vos rêves et tout ça, puis vos déplacements dans l'astral, où vous allez avoir des expériences qui souvent ne sont pas toujours plaisantes, mais c'est tout parce qu'ils vont servir de tous les trucs possibles, surtout les forces qui sont réellement basses et qui sont anti-intelligentes. Donc ça, c'est normal. C'est pour ça que je dis que vous viviez, quand vous venez me voir, vous me dites, j'ai un rêve, bien, c'était toute une patente. Je vous dis tout le temps, vis à ton expérience, attache-toi pas, laisse-la faire, il n'y a rien là, continue. Essaye pas de l'analyser, la comprendre, vis-la. Si vous vous attachez à vos expériences, à ce moment-là, vous risquez d'augmenter le pouvoir qu'ils ont sur votre conscience astrale par des mécanismes de crainte et ainsi de suite. On solidifie à ce moment-là, on donne une forme à ça. C'est ça, exactement. On laisse aller. C'est ça. C'est ça. Pas s'agir nécessairement des oubliés parce qu'il y a des rêves. Il y a des rêves qui. Moins vous serez affecté ou infecté par ces forces-là, plus vos rêves auront pour vous une signification, mais qui viendra d'en haut, directement de. Il y a des rêves qui ont une signification intéressante, mais toutes les autres niaiseries qui vous viennent de ces plans-là, au moins vous n'en serez pas affecté. Je Jusqu'à voir. Quand l'âme a vécu l'implosion, puis qu'elle n'a plus de pouvoir sur l'âme, puis que l'ajusteur de pensée fusionne avec son énergie pour corriger les imperfections de la matière sur le plan inférieur, ce qui nous donne, nous autres, une vie de plus en plus parfaite. L'âme vit des étapes. Il y a des étapes qui sont prémoronciales, il y a des étapes qui sont moronciales, puis il y a des étapes qui sont post-moronciales, c'est-à-dire qu'il y a des étapes prémoronciales, ce sont les étapes qui vivent dans la fusion. Les étapes moronciales, ce sont les étapes qui vivent quand il est obligé de changer de plan pour aller dans les terres. Et les étapes post-moronciales sont les étapes qui vivent dans le travail secret entre lui et l'ajusteur de pensée pour la construction et la continuation de l'évolution et les programmes de vie dans les univers inhabités. Alors, dans l'étape moronciale, l'homme peut rester sur le plan matériel, c'est-à-dire en relation avec le plan matériel ici et faire un travail ici pour élever, pour créer des nouvelles conditions de vie sur une planète, une nouvelle civilisation, quoi que ce soit. Et quand ça c'est fini, ensuite, il part avec l'ajusteur de pensée puis il s'en va dans d'autres mondes qui sont déjà en préparation, qui sont déjà en voie d'évolution, mais qui sont inhabités et inhabitables parce que pour qu'ils soient habitables et habités ces mondes-là, ça prend une qualité d'être suffisamment parfait pour pouvoir subir l'intense énergie de ces mondes-là. Des mondes qui sont totalement en dehors de notre imagination possible. C'est des mondes de feu. Et l'homme ne peut pas vivre dans ces mondes de feu-là sans avoir une relation étroite, parfaite avec le juste pensée et sans que ses principes de vie soient extrêmement subtilisé. C'est-à-dire que sans, il faut qu'éventuellement la conscience de l'homme, à tous les niveaux, puisse passer de la matière à l'antimatière. Sans qu'il y ait de choc. Parce que ces mondes-là, les mondes inhabités, sont des mondes antimatériaux, sont des mondes qui n'ont aucune relation au niveau des lois cosmiques avec les mondes que nous connaissons aujourd'hui. L'ajusteur de pensée? L'ajusteur de pensée, bon, moi, je vais définir le concept d'ajusteur de pensée, là. Bon. Hein? Ouais. Tu sais, j'ai déjà parlé des grands frères. Bon, pour parler de ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est Lucifer. Lucifer, ça va être dur, bon. Lucifer. C'est une intelligence composée. C'est de l'intelligence composée. Ce n'est pas de l'intelligence. Un ajusteur de pensée, ce n'est pas de l'intelligence composée. C'est de l'intelligence pure. Un ajusteur... Bon. Tout ce qui est luciférique, c'est de l'intelligence composée. Mais c'est composé de quoi? C'est composé de quoi? Dans l'intelligence, dans l'énergie, on parle pas d'intelligence, on parle rien que d'énergie. Dans l'énergie, pour qu'une énergie commence quelque chose parfaitement et le finisse parfaitement, il faut qu'elle soit parfaite au début. Lucifer a commencé quelque chose, son intelligence, son énergie n'était pas parfaite, alors il ne peut pas finir parfaitement. Non. Non, la polarité est venue après. C'est parce qu'on n'a pas de mots pour parler de certaines affaires. C'est difficile. Je suis obligé de prendre des mots bien simples. Il faut qu'on comprenne par vibration. Quand je dis que Lucifer, l'intelligence luciférienne, est une intelligence imparfaite, je veux dire que d'abord, l'intelligence luciférienne, faut remonter dans le temps de ce qu'on dit pour comprendre tout. Alors, l'intelligence luciférienne n'était pas parfaite à son début. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'était pas parfaite à son début? Une autre raison. Pourquoi est-ce que tu n'as pas parfaite au début? Hein? À cause du temps que? Justement, parce qu'elle a commencé avant son temps. Le timing n'était pas parfait. Perfectionné assez pour avoir une charge lui-même de sa propre volonté intelligente. Il a développé le bien sans le savoir. Il n'était pas parfait. Si ça avait été parfait, il n'aurait pas fait. C'est ça le bien qui l'a fait. Il a mis une balance dans l'univers qu'on a avec le système. S'il avait été créé à partir de la perfection, il n'aurait pas pu faire. C'est ça. C'est pour ça que Lucifer, c'est un des grands frères. Alors, Lucifer, c'est un des grands frères, et comme j'expliquais à la conférence, il y a des intelligences qui ont atteint des certains niveaux de perfection, qui sont tellement parfaits qu'ils doivent... il y a un breakdown. Et Lucifer, dans son breakdown, dans le perfectionnement de son intelligence, à cause du fait que l'intelligence n'était pas parfaite, mais qu'il avait atteint un haut niveau de perfectionnement, il y a eu un breakdown, c'est pour ça qu'il a fallu que l'homme soit créé. Pour réparer ça, pour réparer l'énergie, pour que l'homme en arrive un jour à la fusion, c'est lorsque l'homme en arrivera un jour, lorsque l'homme en arrivera un jour à la fusion, que l'homme retournera à l'intelligence parfaite, que... quoi? Comme ça. Écoute, là, je veux pas commencer trop là-dedans. Je veux pas commencer trop là-dedans. Je ne vais pas soulever des questions, parce que ça n'arrête plus des questions. J'ai demandé l'opinion de certaines personnes pour sortir de l'information, pour nous faire reconnaître qu'on a accès à de l'information, pour nous habituer à prendre sur nos épaules ce qu'on va chercher dans notre... par nos propres moyens. C'est la seule raison pour laquelle je fais ça. Mais je veux continuer dans ma ligne, là. Quand j'explique l'importance chez l'homme de vaincre l'inertie de l'intelligence à tous les niveaux possibles, je dis que tant que l'homme ne pourra pas faire ceci, il sera incapable de se libérer de l'énergie de l'âme. Il sera incapable de canaliser en lui l'énergie de l'intelligence. Il sera incapable de savoir. Il sera incapable de construire son avenir. Il sera incapable de faire imploser dans ses atomes l'énergie dont il a de besoin pour passer dans les terres. C'est-à-dire qu'il sera incapable de se construire un cormoranciel. Alors, quand on parle de ces choses-là, on a l'impression que c'est très loin et que c'est très abstrait. Mais il vient un temps dans notre vie où c'est pas aussi loin qu'on se l'imagine. Parce qu'il vient un temps dans notre vie où notre relation humaine, en relation avec la phénoménalisation de l'homme réel, devient une condition de notre énergie, ce n'est plus une condition de notre entendement.